Ça va, Jean-Pierre? Bien le slip, bien le boulot aujourd'hui. J'aurais pas dû boire aujourd'hui. Parfait. J'ai changé mon nom quand il y avait fondant et elle m'a vu arriver, elle est partie direct.